après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va faire une nouvelle chronique avec Marc Diquet de Radio X Saguenay. Vous le connaissez tous, il est rendu pas mal une grande vedette. Il est rendu qu'il joue au golf en plus de ça. Et donc, il doit être rendu dans la haute poteuterie de Ville-Saguenay. Salut Marc! Salut Denis! En passant, le golf, là, c'est surprenant à quel point... Peut-être dans le passé, c'était comme ça, là, mais moi, je joue régulièrement au Ricochet, là, puis... On a du fun en maudit, puis j'étais un très mauvais joueur, je commence, là. Mais non, c'est le fun, puis c'est divertissant, puis tu prends l'air, puis il y a une petite ambiance sur le terrain que j'aime bien. Hey, je t'écoutais à Radio X ce matin avec Thomas, puis avec Martin Thomas Côté, puis Dominique, puis tu disais, hey, là, moi, quand j'étais plus jeune, puis je voyais les gens jouer au golf, je pensais que j'étais riche, puis là, je fais partie de cette gang-là. Ouais, le problème étant que je suis pas riche, pas en tout, c'est une fausse perception de la vie. Mais je pense que les clubs de golf, c'est un mythe, hein, à quelque part. C'est un mythe que les golfeurs sont. Les gens qui jouent au golf ont de l'argent. Oui, c'était vrai. Mais je pense que les clubs, à quelque part, ils se battent pour leur survie actuellement. Puis il y a tellement de promotions que c'est rendu accessible à lui qui veut jouer au golf. Puis je te dirais, Danny, que les parents qui ont des jeunes qui jouent du hockey de haute compétition, ils ont de l'argent aussi. Là, parce que c'est pas gratis de faire jouer un jeune au hockey, là, au hockey de développement pendant l'hiver. Là, c'est pas gratis non plus. T'sais. Fait que, regarde. C'est triste, mais un jeune qui pratique du sport de haut niveau, ça prend de l'argent aussi rendu là, tu sais. Tu peux ajouter cheerleading, tu peux ajouter bien des sports tant qu'à ça. Là. Absolument. Tu sais, le patinage artistique, ce qu'on me dit, c'est que le jeune qui fait du patinage artistique, c'est très cher là aussi. Là. Ben oui, des voyages, les compétitions, les hôtels, les parents qui suivent ça. Beaucoup. Moi, j'ai tellement de respect pour les parents qui font ça. Il y a tellement de sacrifices là-dedans qu'on peut pas faire autrement. Que, bravo à ça. Là. Nouveau rôle pour Marc Diquet cette année parce que moi, j'ai... écoute, avant, c'était un clin d'œil, mais là, il va être à l'année parce que j'ai demandé de faire les gens qui se rappellent de l'époque du Réaume Rocky Brisebois avec Pierre Trudel et Mario Tremblay. Là, je remonte loin, là. Il y avait toujours le vendredi soir, le prix orange et prix citron dans le monde du sport. Et j'ai demandé à Marc cette année de faire... donc, on va l'avoir tous les vendredis ou samedis à l'année maintenant. Et prix orange, prix citron, ça, c'est Atlas. Tout sport confondu, que ce soit régional, parce qu'on est capable de parler toutes les deux, régional et même national, ou même provincial, donc peu importe. Là. Donc, ça va commencer avec ça. Marc, on va y aller avec ton prix orange cette semaine. OK, on va commencer avec les oranges. Ouais. J'en ai deux petits, en fait. Okay. J'en ai deux, là. Je suis pas capable d'en choisir juste un pour la première. Le premier à Tiger Woods. C'est le fun de voir Tiger Woods qui est revenu en forme, qui est revenu performant. Et souviens-toi qu'il a été arrêté il y a peut-être un an. Là, on se disait, eh mon Dieu, là, c'est triste la fin de carrière rendue là, tu sais, parce qu'il est arrivé des affaires de foufoune avec ses maîtresses. Et depuis ce temps-là, Tiger, des problèmes de dos. On se disait, coudonc, ça sera plus jamais ce que c'était. Et là, Tiger Woods, Jim Furyk n'a pas eu le choix de le choisir pour son équipe, pour la Coupe Davis. Donc, c'est mauditement le fun que Tiger Woods renaît dans le golf parce que... Coupe Rider. Mais c'est le fun de voir Tiger Woods reperformer parce qu'il y a plein de jeunes golfeurs, tu sais, des Justin Rose, il y en a plein, là, Jordan Spieth, qui sont bons, qui sont le fun à suivre, mais on dirait qu'il manquait quelque chose, tu sais. Puis là, en plus, ce qui s'en vient, je pense, au mois de novembre, le match entre Tiger Woods et Phil Mickelson. Ça t'intéresse-tu, ce match? Ben oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse, certain. Ça va être le fun. Puis moi, j'ai toujours été un fan de Phil Mickelson. Fait que ça va être mauditement intéressant à suivre. Puis Tiger Woods, présentement, son retour au golf, ben ça crée un intérêt pour tout le monde. Puis, tu sais, un sport, là, pour qu'un sport devienne populaire et soit suivi, faut que les gens qui ne s'intéressent pas à ce sport-là s'intéressent à ça. C'est ça. Ça prend un élément déclencheur. Puis les petits golfeurs parfaits qu'on a présentement, c'est bien le fun. Mais c'est Tiger qui a été le générateur de ça. Comme... Puis là, il est revenu, puis il joue bien, c'est le fun. Comme le basketball avec Michael Jordan. Exactement, ça prend un vendeur. Puis Tiger Woods est un vendeur. Et mon autre prix orange, c'est dans le football. C'est dans le football, puis c'est une maudite histoire. De quel? Nike. Non. Okay. Ça va être de l'autre côté, ça, mais tu vas voir. Ah oui, vois. OK. Non, mais on ne soulèvera pas de controverse, mais tu vas voir. Non. Ben, on est là pour ça. C'est Shaquem Griffin. Shaquem Griffin, la grosse histoire aux États-Unis. Ouais. Si vous vous souvenez de lui, pendant le fameux cas d'évaluation de la NFL pour les prospects, avait été très puissant sur le bench avec seulement une main. Mm. Il était amputé d'une main, il était jeune. Les Seahawks de Seattle l'ont repêché en cinquième ronde. Et Shaquem Griffin, fait le club, va jouer dimanche avec les Seahawks. Un joueur qui n'a pas de main, qui va jouer dans la NFL. Bon, c'est un linebacker, mais quand même, c'est le fun d'avoir ça. C'est le fun d'avoir ça en Mosier. Okay. Prix citron. OK. Mon premier prix citron à la NFL. Ah, je sais, pour Colin Kaepernick. Je t'écoute à Radio X souvent, puis t'en reviens pas, puis je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est épouvantable à quel point il y a de l'hypocrisie là-dedans. On gère mal. D'abord, la NFL, présentement, là, le dossier de l'hymne national, c'est mal géré. Colin Kaepernick, c'est une honte. Ce gars-là, là, si vous êtes un fan de la NFL, là, pensez à votre club. Okay? Votre club préféré, pensez à votre club. Là. Colin Kaepernick est au minimum meilleur que votre deuxième carrière. Il n'y a aucun doute. Il est meilleur que votre deuxième carrière. Et il y a une collusion dans la Ligue nationale de football. On ne veut pas toucher à ce gars-là pour des raisons politiques. Moi, ça m'écœure. Honnêtement, ça m'écœure. Puis la campagne de Nike qui est formidable. J'ai vu la pub. Puis effectivement, tu peux pas regarder ce pub-là puis rester insensible. Par contre, on va mettre un bémol. Au Canada, au Québec, puis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, fort heureusement, on ne connaît pas ça, les tensions raciales. Mm. La seule fois qu'on a connu ça, là, c'est la crise d'Oka. Ben, eux autres, là, aux États-Unis, imaginez que c'est la crise d'Oka une fois par mois. Là. Ah. Ben, là, c'est pour ça que quand je vois le titre de Nike droppé, excuse l'expression, qui a perdu des points à l'ouverture du Dow Jones cette semaine, là, je fais, ouais, c'est facile de dire, les maudits Américains, mais il y a des raisons derrière ça, puis moi, honnêtement, j'observe, j'ai pas de parti pris, là, mais c'est triste, en maudit. Puis imagine si on avait été capable de régler le dossier Kaepernick, de prendre le temps de s'asseoir, puis d'analyser le pour et le contre, puis que Kaepernick joue dans la NFL depuis 2016 au lieu d'être chez eux. Ce serait incroyable. Toute la merde, on le verrait pas parce qu'on le saurait pas. On ne peut pas voir ce qui... Tu sais, quand ça va pas bien puis tu vois rien, c'est parce qu'à quelque part, on réussit à cacher ça, tu sais. Fait qu'on aurait dû s'arranger puis... Parce que c'est épouvantable. C'est un œil au beurre noir à la NFL complètement. Il y a de l'hypocrisie là-dedans parce que... Ben oui. Jerry Jones, rappelle-toi de Jerry Jones, il a fait un show avec ça l'année passée. Jerry Jones, qui est le propriétaire des Cowboys de Dallas, il lui-même a mis le genou par terre. Ouais. Tu vois un peu l'hypocrisie là-dedans. Et écoute, là, j'ai hâte de voir comment que ça va se terminer parce que la game shape aussi, c'est une question de game shape aussi dans le cas de Kaepernick. Là, plus il retarde à revenir, plus ça va être difficile. Là. On oublie ça. Puis Danny, écoute, c'est du 2 pour 1 aujourd'hui. J'ai un autre prix citron. Ouais. Marc Bergevin. ça... écoute, le dossier Max Pacioretty, ça n'a aucun Christy de bon sens. Max Pacioretty, qu'on a essayé de l'échanger avec les Hawkins, ça n'a pas fonctionné, et que ça s'est su, tout le monde le sait, que Bergevin a voulu l'échanger aux Kings, ça n'a pas marché, t'as pas réussi à l'échanger de l'été, t'as une grosse patate chaude dans les mains, là, la folie des tournois de golf est là. Hey, lundi, et le joue lundi, là. Ah, ça va être dégueulasse. Écoute, puis moi, le matin, là, quand je vois le dossier Pacioretty le matin, j'ai même pas le goût d'en parler tellement que c'est plate, tellement qu'il se passe rien, tellement que c'est gênant. Puis, tu sais, là, en plus, là, ça va commencer le zoo d'hockey, là. Là, Blake Wheeler a signé son gros contrat. Ouais. Et là, j'ai vu des analystes dire, imaginez Pacioretty, comment ça va coûter. Hey, Pacioretty n'a jamais fait 91 points. Puis, ses meilleures saisons, c'était un peu en bas de Blake Wheeler, qui n'est pas un joueur, c'est extraordinaire que ça, mais quand même, là. Mm. Fait que, tu sais, c'est la folie furieuse. Et là, Marc Bergevin, s'il n'y a pas un bon retour pour Max Pacioretty, ça va faire mal. Écoute, ça, tu en penses quoi de la théorie? Puis moi, j'ajoute ça carrément, la théorie de... C'est qui? C'est Richard Labbé. Tu y parles de temps en temps. Richard Labbé, Radio X, je l'écoutais au 91.9 il y a quelques temps. Puis il disait que Marc Bergevin avait de la misère avec les joueurs vedettes. Marc Bergevin s'identifie à des joueurs comme lui dans la Ligue nationale de hockey. Wow, Marc Bergevin. Regarde ça! Regarde comme tu voudras. Radulov, Markov, Patrick là maintenant. Ouais, mais ça, c'est pas. Ben, il y a Piqué. Piqué, on peut se poser la question, là. Ouais. Mais Carey Price, est-ce que je cherche une grosse vedette? C'est le seul. Il n'y a pas de problème. Tu sais, Markov, il n'est pas mesuré que Markov, c'est une vedette, là. Tu sais, monsieur passe de plâtre, là. Que tu sors de Montréal, puis que c'est pas. Dans la ligue, je pense pas qu'il y a personne qui se dirigeait sur Markov, là. Tu sais, oui, ça a été mal géré. Puis Radulov, il est allé chercher du cash ailleurs, tu sais. Je pense pas, quoi. Moi, je mettrais pas ça sur la faute de Bergevin parce qu'il aime pas les vedettes, là. Non. Je trouve ça facile un peu comme accusation là, de la part de Richard Labbé. Mais tu sais, le problème, c'est que Piqué, tu sais, t'as voulu échanger Piqué pour changer l'air. Et là, tu te ramasses avec le capitaine qui n'est pas content, qui n'est pas de bonne humeur, puis qui sous-performe. Tu sais, puis Max Pacioretty, encore là, c'est pas. Tu sais, on dit des vedettes. C'est des vedettes des pauvres en maudit, là. Max Pacioretty, c'est pas Crosby, c'est pas Ovechkin, c'est pas Tavares, c'est rien. Là. Je dis, c'est une coche en bois, là. Puis c'est Ah, moi, honnêtement, Danny, ça me décourage la gestion que Marc Bergevin a fait cet été avec le Canadien. Puis qu'on l'avoue donc, on s'en va en construction, là. Parce que c'est ça, là. Qu'on l'avoue, là. Ben, c'est ça. Je suis d'accord avec ça. Hey, Marc, je vais te poser la question que j'ai posée à Nicolas Saint-Pierre. J'ai parlé cette semaine de descripteur des matchs des Sens. Ouais. Et j'ai posé à Phil, puis je vais t'apposer à Phil Desgagnés, puis je vais t'apposer aussi. Ouais. Canadien ou sénateur, c'est un équivalent le plus de points. Ben, moi, je te répondrai par une question, ben, par une affirmation là-dessus. Ouais. Canadien sénateur, si votre femme va aller au restaurant, allez-y donc, vous n'allez pas manquer grand-chose. ça va être deux équipes plates à mort. Ça va être deux, c'est deux, surtout les sénateurs, parce que les sénateurs, ils n'ont pas l'aspect financier, puis ils n'ont pas la partisanerie que le Canadien a autour. Tu sais, les sénateurs, c'est l'un des mots, pas vulgaire, mais Danny, c'est le mot le plus insultant que je peux pas coller, que tu peux pas coller à personne. Il y a une équipe de hockey. Moi, honnêtement, c'est ce qui m'insulte le plus, là. Les sénateurs, ce sont des insignifiants. Ben, Jim Melnick. Sont situés entre des fans des Leafs, entre des fans du Canadien. Il y a zéro charisme dans cette équipe-là. Ça n'a jamais levé. Les sénateurs sont insignifiants. Ben, il dit pas ça à Martin Thomas Côté. J'ai tout dit ça. Vous êtes insignifiants. C'est ça le problème. Puis, tu sais, Carson va être échangé, puis la Ligue va s'en foutre, puis la Ligue va être contente de voir Carson arriver d'un gros marché. C'est triste à dire, mais c'est ça. C'est une catastrophe, les sénateurs. Puis, moi, je serais pas surpris que l'avenir des Nordiques passe par les sénateurs. Non, ça, je ne sais pas. Puis, Canadien, honnêtement, ça va être du développement, tu sais. Ça... Parce que le Canadien, à mon avis, les deux derniers repêchages sont peut-être pas mauvais. Ben, surtout le dernier. On va peut-être avoir de quoi d'intéressant, ouais. Tu sais, dans quelques années. Là, t'es sur la bonne voie. Mais, écoute, pour répondre à la question, moi, je pense que le Canadien va faire plus de points à cause du gardien de but. Ben, moi, c'est tout. Moi, j'ai dit à Nicolas Saint-Pierre, sur papier, les sénateurs sont supérieurs. Par contre, il y a un impondérable qui s'appelle l'atmosphère. Ce qui se passe à Ottawa, Eugene Melnyk, c'est un cirque, là. C'est tout croche dans cette organisation-là actuellement. Mais écoute, Danny, Eugene Melnyk, là, il regarde aller Séraphin Poudry, puis il pleure, il trouve qu'il est pito. Tu sais, maintenant, c'est plus gratuit que gratuit, là. Puis, tu sais, j'aimerais pas ça être pensé. Ben, il n'y en a pas gros, là. Mais j'aimerais pas ça être pensé des sénateurs. C'est triste à mourir comme histoire. Ils n'ont pas d'argent en plus. Ouais, on verra bien. Très bonne, Marc. Bon golf. Demain, on se reparle vendredi ou samedi prochain. Absolument, mon cher. On va être là. Le commentaire de Marc.